Axel, alibi, bilite, personne au du coup. Luxel, tu crois à l'épée. Axel, c'est quoi FC? Putain, voilà frère, dans ma tête tout se mélange. Haram, nous qui gère le bas et on perd vite nos anges. Alors, des fois je réfléchis peut-être un peu trop. Ce qui me pousse à prendre l'écart, même avec les poteaux. Je repense à tous les problèmes de sous de famille. C'est Hami, voilà, j'oublierai jamais de ma vie. Les proches partis, les lettres en tôle. Après quelques coups de crâne, j'oublie pas ceux qui m'épaulent. Y'a ceux qui parlent, ceux qui s'acharnent, ceux qui haram, ceux qui rament sous rapta, même si c'est la merde dans tous les tchekars. Cinéma, Zensani et le Val de Marne. Aïe, les fachos parlent d'invasion carcère. Les musulmans savent 5 fois par jour avant la prière. Ta rue c'est pas d'aide, ma vie c'est Bagdad. Opération coup de poing, opération pacta. C'est la cinéma, la Zensani. Le Val de Marne, on fait la Zermi. Mais ma jeunesse ne balance pas. Elle dit, elle dit pour aller sur le territoire ennemi. C'est la cinéma, la Zensani. Le Val de Marne, on fait la Zermi. Mais ma jeunesse ne balance pas. Elle dit pour aller sur le territoire ennemi. A chaque fois que je rentre, le commercial perd des dents. J'entends le public crier, putain vive l'indépendant. Gros couplet pour tes gros beats. Fat, alibi, droit, corps, Ariane et Marafat. Dans la rue, en direct de Montana. En direct, on dirait que j'ai marqué le rap français. Demande au mec, j'arrive au studio, écrit en un quart d'heure. Je mets tout le monde d'accord, MC, ingénieur ou chanteur. Les vrais me suivent, dalle pop, en feat. A 4 sur un titre, prends-toi la tête sur l'équipe. Je rabatte, je suis devenu l'homme à abattre. Le son des grosses caisses, petite pédale, va les battre. Mes refrains sur la bande originale des émeutes. Je monte sur la scène, un calibre entre la beute. J'ai le rap dans la peau comme Ronaldinho à le foot. Je fais ce que je veux, j'écris ce que je veux, j'en ai rien à foutre. C'est la cinéma, la Zensani. Le Val de Marne, on fait la Zermi. Mais ma jeunesse ne balance pas. Elle dit, elle dit pour aller sur le territoire ennemi. C'est la cinéma, la Zensani. Le Val de Marne, toi c'est le 9, 3, L7, 7 dans les enceintes secs. Ça frappe l'Arsène Luxen sur le 7. J'fous des Ace au MC qui spark Salibi. Vrant sur la cour neuf, tremblé, torsi. C'est corsé, grossiste en rime. À l'heure où tu trimes pour écrire un sèche, j'suis recherché par la crime, meurtre prémédité. J'vous l'ai dit de pas mériter. La vérité blesse, même LRX4 si tu veux imiter. Délimite mon territoire, man, dans simple regard. Dis pas que t'es un frère si t'es un gros fond blanc. Moi j'suis la Zepo dans la tête, j'casse les couilles à son père. Le rap me prend la tête à croire que tu son père. Moi je donne un coup de pouce au petit de la tête. Si t'as rien à te reprocher, dis-moi pourquoi tu stresses. C'est le ghetto qui s'exprime sur un beat à fort track. La rafale criblage, lyrique à l'entraque. C'est la cinéma, la Zensani. Le Val de Marne, on fait la Zermi. Mais ma jeunesse ne balance pas. Elle dit pour aller sur le territoire ennemi. C'est la cinéma, la Zensani. Le Val de Marne, on fait la Zermi. Mais ma jeunesse ne balance pas. Elle dit pour aller sur le territoire ennemi. Reste surtout pas. Alibi, Montana, dans la triade. Larsen, Torsi, c'est quoi MC? Ce grand, la Courneuve, le Xen, t'as ma parole. Mortalité pas d'âge. Mortalité pas d'âge.